Écoute déjà si tu veux être nazi. T'en respecte tes règles, le jour et la nuit. Peu que tu saches d'avance, qu'un skin ça ne vieille pas. Ça crève bien longtemps avant de devenir un grand tort. Le crâne rasé pour les poux. Deux, les deux cirés pour la boue. Trois, le bambou se matché pour les sous. Quatre, une main pour tirer un coup. Cinq, le scoop de mode pour les roues. Nous sommes stylés, pas de méchants. Et le pire de tous ces campus, on est content. Nous sommes stylés, pas de méchants. Et le pire de tous ces campus, on est content. Tes parents te disent que tu as grandi, mais ton destin tu as déjà choisi. Tu as choisi d'être skinhead pour la vie, et personne ne t'en fera passer l'envie. Existe un tatouage de partout. 7, savoir boire comme un trou. 8, bastonner comme un fou. 9, être toujours le plus vifou. 10, lâcher tous les fourmous. Nous sommes skinhead. Et le pire de tous ces campus, on est content. Nous sommes skinhead, bête et méchant. Et le pire de tous ces campus, on est content. Skinhead, bête et méchant. Skinhead, bête et méchant. Skinhead, bête et méchant. Bête et méchant. Bête et méchant. Bête et méchant.